be down home, boy, street life to pump. DJ has God bless every single of your steps. Mi corazón en mi abrazo, ser con usted. Real love, Junge, ich roll noch immer auf Crow. Ich hab Fans von der East Coast, scheiß auf Dope. Dino Gaddafi, Junge, ich kriege echten Respekt. Fick die Fame, ich zieh Liebe vom Asphalt, du Depp. Ich bin Kern, ihr seid nur Proton. Meine Zeilen Widerstand in Terra Ohm. Bitch, Killer Number One, Junge, was ist jetzt? Bosnischer Sheikh, schreibt Atomgesetz. Ich verstrahl wie Uran aus der Kernfusion. Du wirst wie Kontergan, fest in Depression. Hardcore, Junge, real shit will never die. All you fake rappers get bitch, la ba la. Worldwide collabos sur un son boogie. France NYC, Germany, make it groovy. Ne désire, j'ai pris le mic et t'es soumis. Souris, frère, car ce beat est une tuerie. J'ai mûri un verre de Jack dans Mama. Mes gestes me blessent et j't'écoute la mama. J'ai pas la force pour subir ces tracas. J'ai tracas, j'veux rock l'oseille dans mon placard. Regarde ma vie, ça y est, je l'ai vécu. Sais-tu qu'elle m'a pris ma foi et ma vertu. J'ai perdu la force, les vices m'ont fait tomber. J'ai gonflé mon torse, les mecs pissent sur la bonté. Ok, maintenant que j'ai lâché la déprime de sens jusqu'au point que j'en place une pour ma dream team. Tout du PKA là pour ambiancer. This bit is so ill, it's like fucking Beyoncé. Ouais on gratte, ouais on taffe, suffit de pas claquer des boîtes. Les faux MC dans les boîtes nous ont claqué dans les bêtes. Ça fait poum, check, ça y est le beat est lancé. Tout du cadavre Army, prêt à recommencer. Nos rimes on vient balancer sur un son cadencé. Boogie Down Boy, DJ Hess pour t'ambiancer. Tu sais qui c'est, donc appelle les keys des tristes. Mais nous on préfère tout fumer en Inde. Et mon flow est so fly, appelle-moi FNDZ. On met le mic on fire, appelle-moi Greasy. Je ne supporte pas l'hypocrisie. Ces faux MC grisonnants, ne résonnant par des si-si. Ici on parle de nos soucis. Pas de CC ou de porte à Gucci. Pour DJ Hess, make some noise to Jeep, got army, boogie down boys.